Bunk. Ici les gens parlent d'amour. Ça fait longtemps qu'on n'attend plus notre tour. Ça fait. Ici les gens parlent d'amour comme si c'était une évidence. Je les vois tous attendre leur tour comme si le cœur menait la danse. Étrange, ce besoin personnel d'être aimé. Sans déconner, moi ça me dérange car c'est pas elles qui vont m'aider. Des promesses et des mots doux, l'amour c'est comme le vaudou. Ça nique les rêves, ça prend tout, les sentiments ça rend fou. J'ai vu trop de gens perdre le contrôle pour des histoires de cœur. J'ai 23 ans et ça me désole car ça me fait déjà peur. C'est comme une baffe quand tu te rends compte que c'était pas la bonne. Mon gars t'as fait une gaffe, la pression monte, tu l'as traité de sale conne. Le cœur y est mais la raison te dit de faire des choses. T'es bousillé, t'as l'impression que même l'enfer s'y oppose. Y'a les crises de parano, peur d'être tombé dans le panneau. T'as des idées, t'es paro, peur qu'elle se fasse baiser par un autre. Ça me fait pas rêver donc je cours pas après. Tu sais, j'ai déjà trimé donc là je tire un trait. Et ici les gens parlent d'amour. Moi, ça fait longtemps que j'attends plus mon tour. Je les vois tourner comme des vautours, scrutant les alentours. Et quand le cœur devient trop lourd, on se comporte comme des sourds. Et ici les gens parlent d'amour. Moi, ça fait longtemps que j'attends plus mon tour. Je les vois tourner comme des vautours, scrutant les alentours. Et quand le cœur devient trop lourd, on se comporte comme des sourds. Un romantique avec un cœur de pierre, les larmes ne coulent pas. Beaucoup trop fiers, pas de mea culpa. Dis-moi à quoi ça sert, c'est pas du love qui va remplir mes poches. Faut rester terre à terre, c'est pas du love qui va rendre fiers mes proches. Elle dit je t'aime, mais bizarrement, je suis pas réceptif. En trois mots, j'ai la flemme, va voir ailleurs, je suis pas affectif. Et merde, la sensation d'avoir raté un truc. Je m'emmerde avec des questions qui n'ont aucun but. Moi je donne de l'amour à des putes et au final je regrette. Et cette salope m'envoie des nudes avec ses potes de fête. Comment lui dire que mon respect je lui donnerai pas? Qui t'a dit que j'étais sympa? Sentiment mort depuis longtemps, j'ai les yeux rivés sur ma gosse. Même si papa n'est pas présent, il ne veut pas bosser pour un boss. Ouais je suis loin d'être exemplaire, je suis loin d'être un bon père. Au fond je n'ai pas de repère, c'est difficile, je suis du père. Et ici les gens parlent d'amour. Moi, ça fait longtemps que j'attends plus mon tour. Je les vois tourner comme des vautours, scrutant les alentours. Et quand le cœur devient trop lourd, on se comporte comme des sourds. Et ici les gens parlent d'amour. Moi, ça fait longtemps que j'attends plus mon tour. Je les vois tourner comme des vautours, scrutant les alentours. Et quand le cœur devient trop lourd, on se comporte comme des sourds. Tout ça me blesse et quelquefois je frôle la folie. Du coup je gratte des cesses, je suis aux abois, je cherche mon inspi. Un soir dans la tise, le suivant dans un pet de bœuf. Là je pète le feu et je reste à l'écart de l'appel de ceux qui restent sûrs que vivre à deux c'est réussir sa vie. Qu'on vivra vieux, qu'on vivra mieux si on se l'était promis. Trop à l'écart ou bien trop sombre, ça se voit dans mon regard en featuring avec les ombres.